consulter la programmation des spectacles à venir sur levaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel. Qu'est-ce qu'on a au menu du premier bloc de la soirée? Entre autres, on aura une formation de l'Italie qui a pour nom Min Dance. C'est leur nouvel album Colors, leur second. Leur premier était paru en 2020. Et de cet album, on aura la pièce titre. On aura également une formation de prog metal de la France, la formation Clone, tirée de leur plus récent album Meanwhile. C'est leur 8e en carrière. On aura la pièce Beastander. On aura également, à partir de 21h30, parlant de la France, un spécial sur la formation Lazuli, donc 60 minutes avec la participation du guitariste et chanteur Dominique Leonetti, avec qui on fera une rétrospective de leurs albums parus depuis les 10 dernières années, dont leur plus récent 11. Et pour débuter le bloc musical, Michel? Eh bien, on va donner le coup d'envoi avec un premier extrait d'un nouvel album de la formation chilienne Ailes. Ce 5e album aura pour titre Beyond Drama et l'extrait a pour titre Game Over. Ça fait peut-être, mon Dieu, pas loin de 7 ans que le groupe n'a pas présenté de nouvel album et la formation a connu pas mal de voix et vient, je pense qu'il y a 3 nouveaux membres qui se sont intégrés. Moi, j'avais bien aimé leur album Hawaii, paru en 2016 et je pense qu'ils devraient maintenir le cap avec Beyond Drama. Et puis, on aura aussi du Royaume-Uni, Peter Rand, de son album Cheshire Ghost. Peter Rand, c'est un des membres du duo Imaginary Kings. Et je pense que c'est son 3e album en studio. Et bien, on y va avec Hiles, la formation du Chili. We'll be right back.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Overwhelming, very great in amount. Je sais pas. Je veux pas le savoir, je pense, je veux juste. Plaster, une création des finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Dans une mise en scène de Léo Bain et Gabriel Cloutier-Tremblay. En salle du 28 février au 5 mars. Pour plus d'informations ou pour acheter vos billets, consultez leconservatoire.gouv.qc.ca. Le Mois Multi, Festival international d'art multidisciplinaire et électronique, est de retour pour une 24e édition. Performances, spectacles, expositions, ateliers et activités vous attendent du 1er au 26 février. Le Mois Multi, c'est un mois complet consacré à l'art au cœur de la ville de Québec. Consultez la programmation au moismulti.org. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Tarzan wasn't a ladies' man. He just come along and scoop him up under his arm like that. Quick as a cat in the jungle. Bonjour, ici Brad Roberts des Crash Test Dummies. Vous écoutez CKRLMF 89,1 à Québec. Superman never made any money. See the world from sometimes I despair the world will never see another man like him. Sometimes I despair the world will never see another man like him. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Tel que Marc l'a annoncé plus tôt en début d'émission, ce soir on a un spécial d'une heure avec la formation française Lazuli, qui a été mise sur pied dans le sud de la France à la fin des années 90, je pense, 1998 pour être exact. Je ne pourrais pas vous dire si la formation est originaire de Marseille ou de la République de Marseille, comme diraient certains rappeurs français, mais vous allez tout de suite reconnaître l'accent avec les interventions de Dominique Leonetti, le chanteur et guitariste du groupe, qui nous présente les pièces ce soir. Donc je lui cède la parole. Eh bien voilà, je vous parle depuis le sud de la France. Oui, alors j'imagine que déjà ces quelques mots ont suffi à vous en rendre compte. J'aimerais vous dire que c'est un grand bonheur de voir la musique de Lazuli traverser l'Atlantique. Nous sommes très très heureux d'être sur vos ondes. Voici donc une première chanson. Elle se nomme « Une pente qu'on dévale ». C'est en regardant les rebonds aléatoires d'un ballon de rugby que l'idée de cette chanson est venue. J'ai trouvé que ces rebonds hasardeux ressemblaient étrangement aux incertitudes de la vie. La deuxième chanson, L'essence des Odyssées, c'est cette odeur, ce parfum de la personne que l'on aime, que l'on prend à plein poumon avant de la quitter pour un long voyage. Donc ces deux titres sont issus de notre album Tant que l'herbe est grasse, sorti en 2014. We'll be right back. cheval au gré du rebond d'une vie au bas. Au gré du rebond d'une vie au bas. À présent, une chanson qui a vu le jour en 2016 avec l'album Nos âmes saoules. Il s'agit de Vita est circus. M'y voici dans un cirque pathétique, tour à tour dompteur de fauves, trapéziste ou clown. Bref, une métaphore de la vie. Voici deux titres de saison 8 sortis en 2018. Tout d'abord, un linceul de brume, quelques notes pour un air vicié et pour une chanson qui parle de pollution. Alors, je ne l'avais pas réécouté depuis longtemps, vous avez créé cette occasion, et cela m'a permis de me rappeler que c'est sur cet enregistrement que j'avais utilisé pour la première fois la guitare électrique, la fantastique guitare électrique que m'a fabriquée mon fils. La deuxième chanson, de Deux choses l'une, parle de notre condition humaine et de ces instants où nous cherchons désespérément à nous en échapper. Et merci parce que cela m'a permis aussi de réentendre avec bonheur le solo de Léode de la fin. Je fume. oiseaux de mauvaise augure. La nuit déploie son aile obscure. Une tristesse colle à nos semelles, mais nos farandoles seront plus belles. De deux choses sa danse sous la grande ours et caracole rue dans les brancards et cabriole au nez du soir. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. You're listening to CKRL. There'll be no whispered words, no vows that can't come true. There's only me waiting. oser, suivre ma passion, créer, prendre des risques. Le Conservatoire d'art dramatique de Québec, c'est 3 spécialités. Jeu, scénographie et mise en scène et création. Des formations encadrées avec rigueur dans un espace de création riche et exaltant. Admission jusqu'au 1er mai. Le Conservatoire d'art dramatique de Québec, l'art de faire briller les talents d'ici. Le Mois Multi, Festival international d'art multidisciplinaire et électronique, est de retour pour une 24e édition. Performances, spectacles, expositions, ateliers et activités vous attendent du 1er au 26 février. Le Mois Multi, c'est un mois complet consacré à l'art au cœur de la ville de Québec. Consultez la programmation au moismulti.org. Pour bien débuter vos week-ends, rien de mieux qu'une bonne dose de groove grave qui plombe comme des bombes. L'équipe de Messieurs Dynamite vous attend tous les vendredis de 18h à 20h. Du funk, de la soul, de l'afrobeat, c'est Messieurs Dynamite. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita, et on poursuit notre spécial avec la formation française Lazuli, un groupe qui vient de lancer son 11e album tout récemment. Et pour les besoins de la cause, ben, ce soir, on s'est concentré sur les 5 derniers albums studio. C'est-à-dire « Tant que l'herbe est grasse » paru en 2014, « Nos âmes saoulent » paru en 2016, « Saison 8 » lancé en 2018, « Le fantastique envol de Dieter Baum » paru en 2020, et bien aussi des extraits de « 11 » qui vient d'être lancé. Et pour vous présenter la suite, ben, je cède la parole à Dominique Leonetti, chanteur et guitariste du groupe. Alors voici tout d'abord « Les chansons sont des bouteilles à la mer ». C'est le deuxième morceau de notre concept album « Le fantastique envol » de Dieter Baum, sorti en 2022. Il me semble que le texte exprime au mieux la vie de Lazuli et qui nous sommes. À noter que le solo de fin, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, ce n'est pas un solo de guitare, il s'agit de la Léode, c'est l'instrument qu'a inventé mon frère Claude. Toujours du même album, la chanson qui suivra se nomme tout simplement Dieter Baum, à l'hommage à l'un de nos fans. Elle est la première que j'ai écrite pour cet album, et c'est celle qui a déclenché l'envie de construire toute l'histoire de ce fantastique envol. Je lui ai offert mon dernier demi-soupir. Elle s'est nourrie de rêves pour devenir un air, une complainte de marin, éloignée de son port, une simple mélodie, tout droit sortie de terre, comme un souffle nouveau, comme un ultime effort. Sur la crête d'une vague, je l'ai vu devenir un point sur l'horizon. Et du haut de ma dune, je l'ai vu s'éloigner, je l'ai vu s'évanouir. Les chansons sont des bouteilles à la mer. On y laisse. morceau de fortune et la mélancolie d'un accord mineur dans le grand océan. À la vague opportune, elle a lâché ma main comme un enfant majeur. Ma chanson affranchie et violente tempête, les désenchantements, les déboires, les galères, les rochers ennemis sont déviés de sa quête. Sa recherche est perdue d'un destinataire. Les chansons sont des bouteilles à la mer. On les laisse aller. Bonsoir, ici Domi de Lazuli. Vous écoutez Terra Incognita sur les ondes de CKRL 89.1, la radio des découvertes. Cœur et à l'âme. quelque chose à l'intérieur. Cherche une bouffée d'hélium, un goût d'apesanteur. Eh bien, parlons à présent de notre dernier album, le 11e, voilà, qui s'appelle 11. Et voilà, c'est un chiffre qui nous a poursuivis tout au long de ces deux dernières années. Donc, parmi ces 11 chansons, commençons par Sillonner des océans de vinyle. C'est le titre hein, de la chanson qui vient. Cette chanson est une ode à la musique, à nos vies de musiciens, à nos notes qui se propagent. Voilà, elle est née de la mélancolie ressentie durant le confinement. Elle sera suivie de Qui d'autre que l'autre, qui parle de ceux que l'on appelle avec dédain les autres. Dans cette chanson, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui a peur de l'autre, mais qui s'aperçoit qu'à tout moment, il peut devenir l'autre de quelqu'un. Voilà, c'est tout simplement une chanson sur le racisme. Alors, il y a deux solis qui s'enchaînent. Le premier est joué par Claude à la léode et le deuxième par Arnaud à la guitare. Sillonner des océans de vinyle, des marées noires et des mers d'huile, se livrer aux angles saillants, des saphirs et des diamants, s'abandonner au tourbillon, à la belle rotation, tomber dans la ronde infinie, dans le puits sans fond, et puis 33 tours. Sans répit, juste pour rester en vie, tourner encore et toujours, tourner encore. encore et toujours. Toucher du doigt des mirages, de face en face, de plage en plage. Plonger dans la masse couleur de suie, dans la nuit sans fin et puis 33 tours. Thank you. place. J'ai peur qu'un jour ou l'autre, l'autre me remplace et que je devienne l'autre. De l'album 11, Le pleureur sous la pluie parle de cette larme qui coule parfois sur notre joue, mais que l'on garde pudiquement pour soi. Je suis très heureux que vous ayez choisi de programmer ce titre, parce que j'adore le solo de fin, qui est joué par Arnaud à la guitare. Forêt de parapluie sur les troncs. blague pas, le pleureur sous la pluie. Personne ne vit pointer l'ombre de cette larme sur ma joue. Personne ne l'entendit tomber comme la nuit. Et voilà, nous voici arrivés au bout. Alors merci à tous. J'espère que vous êtes encore là. J'aimerais juste conclure avec les mots d'une de nos chansons. Les chansons sont des bouteilles à la mer. Fébrilement, on les confie à l'onde. Désespérément, vers le vaste monde. Les nôtres sont arrivées jusqu'à vous grâce aux ondes de Terra Incognita. Espérons maintenant que nous aurons le plaisir de venir vous les jouer en vrai un de ces jours. Pourquoi pas? Allez, salut à tous. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Come again, sweet love does now invite. La Société de guitare de Québec vous invite à un concert exclusif du duo français Bensa Cardino. Venez vivre un moment de guitare et de chant totalement insolite le 25 février dès 19h30 à la salle d'Iouville du Palais Montcalm. De Darlin à Piazzolla, une épopée musicale d'un duo parmi les meilleurs. Billets disponibles au Palais Montcalm. Information guitarquebec.com. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet, on remercie encore une fois Dominique Leonetti pour sa participation sur ce spécial sur la formation Lazuli. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres une formation américaine qui a pour nom Birth. Ils sont de la région de San Diego et ont fait paraître en 2022 leur premier album intitulé Born. On aura la pièce Another Time. On aura également une nouveauté du Québec, un album qui flirte avec le jazz, le rock progressif, difficile à qualifier, mais bon, du début à la fin, pour les plus curieux d'entre nous. Alors, c'est la formation Crossroad Copeland et leur nouvel album, leur premier, intitulé Copeland, c'est paru à la fin janvier, et c'est le projet de Ben Copeland Gilbert, ou Gilbert, qui a également Carl Mayotte comme bassiste sur ça, Révélation Radio-Canada Jazz 2020-2021. Il y a également Alex Desjardins au trombone, Violette Hébert et Antoine Tardy à la trompette, Jeanne Laforêt aux voix et Hugo Leclerc au saxophone. Alors on aura la pièce Lift Off de cet nouvel album. Mais pour débuter le bloc musical, Michel, une autre excellente formation américaine. Ah oui, c'est la formation californienne Isobar, formée par d'anciens musiciens du groupe Métaphore. En fait, c'est trois musiciens du groupe Métaphore. Et pour compléter le groupe, nul autre que Mathias Olsson à la batterie, l'ex-Anglagarde. Le groupe a présenté un album cette année, Isobar 3, et on va écouter la pièce Face in the Blue. Thank you. have been given the scientific knowledge, the technical ability, and the materials to pursue the exploration of the universe. To ignore these great resources would be a corruption of a God-given ability. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. We'll be right back. Et c'est déjà le temps de vous quitter. On va conclure ce soir avec Wobbler, une formation qu'on a eu le bonheur de recevoir à deux reprises dans le cadre du festival Terra Incognita. Et ce sera un extrait de l'album From Silence to Somewhere, paru en 2017. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.